Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence Protestant dans la mécanique des ondes pour ce 28e épisode. Nous allons passer trois quarts d'heure ensemble pour parler carrière radiophonique avec celles et ceux qui sont devant et derrière le micro. Aujourd'hui, je vous le confirme, mon invité devant le micro. Je reçois aujourd'hui une journaliste et aussi productrice qui accompagne les auditeurs tous les midis dans l'émission culturelle France Bleu Midi Ensemble sur France Bleu. Bonjour Daniela Lombroso. Bonjour, merci de me recevoir. Mais c'est rare quand même une radio qui s'intéresse aux autres radios. Oui, c'est ça. Alors ma question, ça aurait toujours été de, est-ce que ce serait possible sur une radio généraliste et privée? Je ne pense pas. Voilà, on en reparlera. Je ne pense pas, même une radio publique généraliste, je ne pense pas, parce qu'il y a toujours la notion de concurrence quand même. C'est vous ça. Avez un générique qui est un vrai générique d'amoureux de la radio, ça se voit tout de suite. Ah, c'est gentil Daniela Lombroso, on pourra en reparler un petit peu après, parce que la question traditionnelle de l'émission, si vous êtes au micro d'une radio associative, j'aimerais savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Bien sûr, ça me rappelle un rêve surtout. Moi, j'ai fait ce rêve que les radios associatives puissent prendre la place des autres radios. Mon rêve, c'est pas exactement exaucé comme je l'aurais aimé. Très vite, il y a eu des radios commerciales qui ont pris le pas et c'est devenu des radios privées, non plus des radios associatives. Mais je suis très très attachée, à cette liberté-là et à cette possibilité-là d'avoir des radios associatives aujourd'hui. Encore. Alors, je reviens un petit peu encore avant, vraiment à votre enfance, adolescence, parce que je voudrais savoir comment est né cet amour de la radio et qu'est-ce que vous vouliez faire au départ? Alors, la radio, ça m'a toujours passionnée. Moi, j'ai grandi sans radio et sans télé, parce que d'abord, j'étais en Côte d'Ivoire et il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une télévision. Tardivement, on a eu la télé. Je devais avoir peut-être 10 ans, 9-10 ans. Et il y avait une seule chaîne sur laquelle il y avait des programmes, je crois, de 18h à 21h. C'est tout. C'était assez restreint. C'était quand même très restreint. Donc, j'ai grandi sans. Après, je suis arrivée en France et ma maman écoutait beaucoup la radio. Elle écoutait beaucoup France Inter. À l'époque, c'était Pierre Bouteiller. Et du coup, j'entendais ça régulièrement à la maison et c'était à 18h, donc je rentrais de l'école et c'était toujours passionnant parce que c'était des émissions sur l'actualité de la culture en général et de la pensée. Donc voilà, c'était une époque effectivement où quand on était enfant, on écoutait ce genre de choses et on aimait ça. Alors si vous me dites que vous êtes toujours été une passionnée de la radio, ça a décidé de vos études ? Presque. En fait, quand j'ai passé mon bac, j'ai fait un stage à la régie publicitaire de RTL, qui s'appelait IP, et qui enregistrait les messages radio pour la publicité. Et donc, moi, j'étais à la partie création des messages, donc je rédigeais des messages. Alors, en tant que stagiaire, j'en faisais pas énormément, mais on m'avait quand même laissé en faire quelques-uns qui étaient passés à la radio. J'en avais été très fière. Et comme moi, j'aimais beaucoup l'écriture, les lettres, le français, du coup, ça m'intéressait beaucoup l'idée de pouvoir écrire des slogans publicitaires. À ce moment-là, j'ai pensé à ça parce que j'ai fait ce stage. Et puis la radio aussi, ça m'intéressait, mais je pense que j'osais pas trop y rêver, quoi, y penser. Et puis ça s'est fait par hasard, par la conjoncture, par l'actualité, puisqu'en 1981, moi j'avais 20 ans, et il y a eu les premières radios associatives. Il faut raconter, effectivement, vous avez donc connu les débuts de Fréquence Protestante, ça se trouve, vous y étiez, puisque cette radio date de 81. Absolument, absolument, c'était plein de fougue, c'était plein d'idéaux, on avait envie de radios libres, sur lesquelles on pourrait tout exprimer, et c'était assez magique d'ailleurs, pendant quelques années, j'allais dire, peut-être quelques mois. Très vite, des gens ont compris qu'on pouvait aussi faire de la publicité, qu'on pouvait aussi faire de l'argent, et donc c'est devenu un peu différent. Mais très vite, moi, je suis allée à France Inter. Voilà. Oui, alors vous allez très très vite, hein, Daniela Lombroso, justement. J'aimerais que vous reveniez un petit peu. Donc en 80, vous étiez sur une radio pirate, on va dire. En 80, non, j'ai fait de la télévision pirate, mais la radio, c'était au moment vraiment où ça s'est ouvert. Et j'ai commencé par une radio qui s'appelait Radio Show, qui était une radio associative, puis Énergie, qui était à l'époque aussi sans publicité. et où j'ai créé les informations, en fait les flashs d'informations, puisqu'il n'y en avait pas jusqu'au moment où j'ai commencé à le faire. Mais on n'était pas très on n'avait pas beaucoup d'outils à notre service. Il n'y avait pas Internet à l'époque et tout. Donc ce que je faisais, c'est que j'écoutais les flashs infos de France Inter. Je prenais des notes très très très vite et je faisais mes infos comme ça à 18h et à 19h de flash, où il y en avait dans l'après-midi aussi. Et du coup, je crois que ça m'a donné une oreille France Inter, c'est-à-dire qu'à force de les écouter, de les copier, de les plagier, de les voilà, paraphraser en fait, je me suis mis ce son Inter dans l'oreille. Et un jour, j'ai travaillé sur une maquette d'émission et je suis allée la proposer à France Inter. Et j'ai rencontré le directeur de la station qui s'appelait Jean Garetto à l'époque, et qui m'a reçu il m'a reçu au bout d'un an. Ça a été une histoire incroyable, parce qu'au début j'ai pris un rendez-vous, puis évidemment il voulait pas me recevoir. Puis pendant un an j'ai réessayé, ça marchait pas. Puis un jour j'avais laissé tomber, une amie me dit mais alors t'en es où avec France Inter? Je dis bah non, j'ai laissé tomber, j'aurais jamais le rendez-vous. Elle m'a dit non mais essaye, rappelle. Alors par hasard je rappelle ce jour-là, et là la donne avait un peu changé, parce que comme j'étais à Énergie et qu'Énergie commençait, c'était en 1984, à avoir vraiment du poids et à bouger les choses, un peu comme les youtubeurs aujourd'hui arrivent un peu à la télévision, parce qu'on se rend compte que c'est là que ça se passe, c'était un peu la même chose. Et donc du coup il s'est dit tiens, celle-là elle vient d'Énergie, je vais la recevoir, voyons ce que c'est. J'avais 21 ans. Et donc j'y suis allée, je lui ai apporté ma petite cassette hein, que j'avais mis quasiment un an à faire, parce que du coup en attendant le rendez-vous je continuais le montage, je remontais sur un vieux Revox avec des bandes qu'on coupait avec des ciseaux. Et puis je lui ai donné, il m'a dit j'écoute jamais, il était un peu spécial, j'écoute jamais devant les gens et tout. Bon, très bien, je lui ai expliqué ce que je voulais faire, il m'a regardé comme ça, il m'a dit ok, bon, au revoir. Je suis partie chez moi, et je vivais en coloc avec une copine à ce moment-là, et j'arrive, le temps d'arriver, il avait déjà appelé à la maison. Et donc je le rappelle, je me dis qu'est-ce qui se passe et tout, et il me dit j'ai écouté votre cassette là, vous pouvez commencer dimanche. Et donc on était le mercredi, et j'ai dit oh, je crois que c'est un peu dur dimanche, mais peut-être le dimanche d'après. Il m'a dit d'accord, alors dimanche d'après. Et je suis rentrée à France Inter à l'oreille en coin, qui était l'émission culte du moment, où je faisais une heure d'émission avec du reportage, beaucoup de montage, beaucoup de choses. Alors je reviens un petit peu avant, vous allez très très vite hein, Daniela Lombroso, vous aviez 20 ans, vous êtes donc journaliste, vous rédigez donc les flashs d'informations, Énergie, etc. En parallèle, vous avez enchaîné des études de journalisme? Non, de sociologie, j'ai fait une rien maîtrise. Oh, quand même, c'est proche, hein, c'est très proche, parce que quand on s'intéresse à la société, c'est aussi ça le journalisme. Donc, oui, sur le moment, j'ai fait des études de sociaux, j'ai fait une maîtrise, et puis je voulais aller au CELSA après, puisque à l'époque, il y avait une passerelle comme ça qui était assez facile, c'était pas comme aujourd'hui le CELSA. Enfin, en même temps, c'était déjà une plutôt bonne école, et j'ai pas eu le temps, parce qu'en fait, je travaillais déjà à partir de ma deuxième année de sociaux, donc j'ai continué en licence, j'ai passé ma licence, je travaillais beaucoup. J'ai passé ma maîtrise, je sais pas comment, parce que vraiment c'était j'ai trouvé le temps. Voilà, c'était difficile. En plus, j'arrivais pas à aller en cours parce que à l'époque, ça aussi, ça fait rire mes filles quand je leur raconte, les salles de classe dans lesquelles nous étions. Moi, j'étais en cours à l'université de Nanterre. Les gens fumaient. Et donc, il y avait 30 personnes dans la classe, 30 personnes qui fumaient. Et comme moi, je suis encore allergique, complètement allergique au tabac, mais vraiment allergique, c'est-à-dire que ça me fait des effets assez terribles à la tête, au nez, etc. Je pouvais pas rester en cours. Donc, au bout de 10 minutes, il y avait tellement de fumée. Alors, je demandais qu'on ouvre les fenêtres, mais ils voulaient pas ouvrir les fenêtres parce qu'il faisait froid. Donc, au bout de 10 minutes, j'étais obligée de sortir de cours. Ah oui, c'est terrible. Mais j'ai passé quand même. Donc vous enchaînez Énergie, donc France Inter, ensuite, etc. Combien de temps vous passez sur France Inter? J'ai passé 7 ans à France Inter quand même. 7 ans à l'oreille en coin, et puis à faire d'autres émissions, des émissions le soir, de la nuit, ce qu'on faisait faire aux jeunes à l'époque. C'est ça. Donc vous étiez au micro. Est-ce que vous aviez donc cette envie de... Vous avez proposé effectivement des choses, etc. Mais vous continuellement proposiez des choses au direct. Directeur d'antenne, ce côté productrice. Déjà, ce que je faisais était très très difficile en termes de créativité, puisque il n'y avait pas de thème, il n'y avait pas de sujet. Chaque semaine, il fallait que j'amène une heure d'émission, mais je partais à l'aventure. Je faisais ce que je voulais avec des interviews, etc. Mais c'était vraiment compliqué, c'est-à-dire qu'il y avait une exigence très très forte du rendu, donc il fallait aller trouver des personnages différents, décalés, faire un montage un peu particulier. Donc ça me prenait énormément de temps et d'énergie. Je proposais pas énormément de choses à la radio. En revanche, on m'avait proposé des choses. Si, j'avais proposé une émission de nuit qui s'appelait, à l'époque, ça n'existait pas non plus du tout, les émissions de rencontres. Et elle s'appelait « Les dévolus sont jetés ». Et l'idée, c'était que, vu que c'était la nuit, l'émission était entre 3h et 5h du matin, les gens appelaient à la radio et faisaient des rencontres. Et ce qui était très, très drôle, c'est que, comme au début, je ne savais pas comment amorcer la pompe, c'était vraiment nouveau, personne ne le faisait. Ça paraissait incongru presque de faire ça à la radio. On se disait, mais qui va appeler pour dire « je veux rencontrer quelqu'un ». En fait, ça a très, très bien marché. Et du coup, la première nuit, j'ai demandé à ma maman d'appeler. Et donc elle appelle, elle raconte un peu ce qu'elle trouve à raconter à ce moment-là. Et puis elle a un succès fou, elle a plein d'appels. Et à un moment, elle est entrée en contact avec un monsieur qui était apparemment commissaire de police à Paris et qui était souvent commissaire dans les théâtres. Vous savez que dans les théâtres, il faut un commissaire qui assiste à la représentation au cas où il se passerait quelque chose. Et du coup, elle l'a rencontré, ils se sont vus. Bon, je crois qu'il ne s'est rien passé entre eux, mais c'est assez drôle. Et après, elle allait tout le temps au théâtre. Je lui dis, mais tu vas au théâtre, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, oui, avec mon commissaire. Donc voilà, ça aura servi au moins à cette rencontre-là. C'est ça. Daniela Lombroso, c'est le moment de la première pause musicale. Je veux savoir, vous avez choisi quoi? J'ai choisi quoi? Quelque chose qui est sorti il y a assez peu de temps. Marvin Gaye. Ah, non, c'est non, pas ça. Pas du tout. Renaud, vous allez choisir. Toujours debout, j'adore. Toujours debout. Ah, j'adore cette chanson, elle est exceptionnelle. Alors, elle est sortie donc, il y a quelques semaines donc elle a plu à vos oreilles. Ah, j'adore cette chanson parce que je trouve que c'est d'une intelligence, d'une finesse, d'un humour fou que Renaud, qu'on disait quasi mort, ressuscite, arrive avec une chanson et en même temps avec un côté ta-ta-ta comme il faisait, c'est-à-dire en narguant les copains de la cour de récré qui ont pensé qu'il était trop imbibé d'alcool pour pouvoir se relever. Ben non, il est là, il est en forme. D'ailleurs, j'ai vu Jean-Pierre Mocky là, que j'ai interviewé à France Bleu et qui a un projet de film avec Renaud et qui me disait, c'est incroyable, il est en pleine forme, il renaît de ses cendres, il est magnifique et je trouve que la chanson, elle est pleine d'humour et que c'est très intelligent de sa part de revenir avec une chanson qui parle justement de lui, de l'alcool et de ce que les gens ont pu dire pendant ces quelques années. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout, je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Tout ce qui tombe autour de moi, c'est l'hécatombe, c'est Guernica. Tout ce qui tombe, tombe à tour de bras, et moi je suis toujours là. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pas né ou mal barré, le crétin qui voudra m'enterrer. Je fais plus les télés, j'ai même pas internet. Arrêtez de parler aux radios, aux gazettes. Ils m'ont cru disparu, on me croit oublié. Vite à ces trous du cul, je continue de chanter. Et puis tous ces chasseurs de primes, paparazzi en embuscade, qui me déprime et qui n'imprime que des ragots, que des salades. Toutes ces rumeurs sur ma santé, on va pas en faire une affaire. Et que celui qui n'a jamais titubé me jette la première pierre. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout, il est pas né ou mal barré, l'idiot qui voudrait me remplacer. Je dois tout le temps faire gaffe, derrière chaque buisson, à tous ces photographes qui vous prennent pour des cons. Ceux-là m'ont enterré, un peu prématuré, dites à ces enfoirés, je continue de chanter. Je ne vous ai jamais oublié, et pour ceux à qui j'ai manqué, vous les fidèles, je reviens vous dire merci, vous m'avez manqué, vous aussi. Trop content de vous retrouver, je veux continuer, nom de nom, continuer à écrire et à chanter, chanter pour tous les sauvageons, toujours vivants, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout, il est pané ou mal barré, le crouillon qui voudra m'enterrer. Depuis quelques années, je me suis éloigné. Renaud avec Toujours Debout, c'est le choix de Daniela Lombroso pour sa première pause musicale, toujours dans la mécanique des ondes. Alors Daniela Lombroso, on vous a laissé à l'oreille en coin à France Inter. Alors vos co-animateurs, hein, c'était Manuel Den et aussi Marie-Odile Monchicourt qu'on entendait encore il y a peu de temps à France Info, un spécialiste science. Et j'ai été remplacée par un jeune garçon qui avait envie de faire la radio et voilà, quand j'étais enceinte la première fois, et qui s'appelle Alex Taylor et qui a commencé la radio comme ça en me remplaçant sur mon congé maternité. Il venait d'arriver de Grande-Bretagne à ce moment-là, ouais, c'est quasiment. Ça. Et donc il fallait qu'il se débarrasse de son accent anglais plusieurs années plus tard. Oui, toujours pas. Hein. D'accord, on est d'accord. En 84, alors vous entrez à la télévision. Oui, j'ai commencé. En fait, c'était c'est assez amusant parce que j'étais à France Inter, je faisais des reportages et il y avait une émission de télé qui m'avait intéressée, qui s'appelait le Mini Journal de Patrice Drevet, qui était un journal pour adolescents. À l'époque, TF1 était encore public. C'était en 84, ça a été privatisé en 87. Et tous les soirs à 18h30, il y avait ce journal pour adolescents. C'était formidable. D'ailleurs, je trouve que ça devrait exister encore, que le service public devrait le faire parce que c'est vraiment important de pouvoir parler aux adolescents de tous les sujets d'actualité, mais en même temps c'était fait sur un ton évidemment beaucoup plus dynamique, beaucoup plus léger, et au milieu des sujets d'actu, il y avait des sujets plus fun. Et donc je trouvais que c'était vraiment sympa ce truc-là, et j'ai proposé de faire un reportage sur ce qu'il faisait. Et donc je suis allée les voir à TF1, j'étais en conférence de rédaction, et à un moment, c'était tout des jeunes, c'était vraiment une ambiance comme on a pu voir à un moment, je sais pas, comme on pourrait voir peut-être dans la bande de Cyril Hanouna, mais pas ceux qui sont chroniqueurs, plutôt les gens qui font des sujets, qui font des scénettes, etc. Et donc j'assiste à cette conférence de rédaction, ils évoquent un sujet, et je leur dis, ah mais ça c'est formidable, je l'ai fait la semaine dernière. Et Patrice Revet, qui dirigeait tout ça, me regarde, il me fait, tu veux le faire? J'avais jamais fait de télévision de ma vie, et je dis bah oui. Et donc je me suis retrouvée une semaine après avec une équipe en train de tourner un sujet, et bon, le principe était le même parce que je faisais déjà ça à la radio, vu que je faisais vraiment du reportage et beaucoup de montage. Donc j'ai fait mon premier sujet, ils ont adoré, ils m'ont demandé d'en refaire, et je me suis mise à travailler en parallèle avec la radio à TF1 dans cette équipe du Mini Journal, qui était une équipe de jeunes trublions mais au sein de la rédaction quand même, ce qui fait qu'assez rapidement, à partir des sujets que je faisais, le journal d'Yves Mourouzi à 13h m'a demandé des sujets aussi sur généralement des sujets culturels ou sociétés, et je me suis mise aussi à faire des sujets pour le journal de 13h et le journal de 20h à la rédaction de TF1 jusqu'en 1987, au moment où ça a été privatisé. Et là, comme nous étions, je sais pas, une quinzaine de pigistes à peu près dans cette équipe, ils nous ont proposé de nous intégrer à la rédaction de TF1. La plupart ont accepté, sont les journalistes qu'on voit aujourd'hui, les rédacteurs en chef qu'on voit aujourd'hui. Et moi, sur le moment, je me suis dit, oh non, j'ai pas envie de me retrouver comme ça, pliée, poings liés dans une rédaction pour faire que des sujets d'info. Et je suis partie rejoindre quelqu'un qui m'avait sollicité à ce moment-là, qui était Jacques Martin, et qui m'avait proposé d'intégrer une émission qu'il relançait, qui était La Lorgnette, qui était une émission culte des années, je crois, 70. Mais là, on était en 87, donc, 87-88. Et il voulait relancer cette émission. Ça n'a pas marché. Notre équipe était beaucoup moins bonne que l'équipe historique, dans laquelle il y avait Pierre Desproges. Mmh. Vous savez, ces trucs qu'on revoit sans arrêt, ouais. Caméra cachée et tout, c'était dans La Lorgnette, mais c'était La Lorgnette grande époque. Et Le Petit Rapporteur, voilà, qui était un peu la même émission. Et donc, on a fait ça pendant, je crois, une saison, et puis ça s'est arrêté, mais dans l'équipe, il y avait avec moi Laurent Ruquier, Laurent Gérard. C'est pareil, c'est le début de Laurent Ruquier à cette période-là. C'est le début, on avait même tourné un pilote ensemble pour Jacques Maillot, qui était lui aussi dans l'équipe et qui voulait proposer une nouvelle émission. Donc c'était assez amusant tout ça, de voir des gens qui ont germé ensuite. Alors vous êtes passé de la radio à la télévision sans problème, vous êtes complètement adapté au format de télévision, au fait quand même de bien gérer son image. J'ai pas eu à gérer d'image puisque je faisais du reportage, donc pour moi c'était un peu le même travail avec l'image en plus. Le travail que je faisais sur le son déjà était vraiment principalement, je faisais des reportages, mais je faisais énormément de montage. J'avais un appareil, ça s'appelait un Revox à l'époque chez moi, et je montais, mais pour faire une émission émission d'une heure, je montais peut-être, 40 heures. Je passais 40 heures à monter. Donc, quand je suis arrivée à la télévision, tout naturellement, le montage, ça a été d'une simplicité inouïe, puisque c'était la même chose. Alors, il faut expliquer qu'il fallait couper, qu'il fallait scotcher. On avait une petite baguette, comme ça, dans laquelle on mettait la bande, on coupait la bande et on la rescotchait, comme ça, et ça faisait... Et c'était génial, parce que c'est de la magie, quoi. C'est-à-dire que vous avez entre les mains un truc formidable. Alors, je faisais ce que fait Yann Barthès maintenant, le petit journal, c'est-à-dire que je m'amusais avec mon montage aussi à faire dire n'importe quoi aux gens. Donc je reposais. C'était trop tentant. Donc je reposais. Alors je faisais jamais dire vraiment ce qu'ils n'avaient pas dit, mais je m'arrangeais pour reposer la question un peu différemment, pour avoir une réponse un peu tronquée, etc. Comme ils le font aujourd'hui dans ces émissions-là. Et c'était super drôle et c'était assez génial à faire. Et c'est très très insolent. L'Oreille en coin était une émission très insolente à l'époque. Alors quand vous travaillez avec Jacques Martin, qu'est-ce que vous apprenez? Parce que je pense que Jacques Martin, c'est... J'allais dire que c'était une bonne école. Non, l'école extraordinaire, c'était vraiment L'Oreille en coin avec Jean Garretto. Et ça, c'était vraiment une très très belle école. Jacques Martin, je n'apprends absolument rien. J'apprends juste à gérer un petit peu ses colères parce qu'il était assez colérique. Il avait vachement de stress. En fait, je ne m'en rendais pas compte à quel point c'était du stress. Et comme il était très angoissé, il était toujours en train de dire ouais, ça c'est pas bien, ça c'est nul, ça c'est ci. Et puis de temps en temps, il y avait une très belle jeune femme qui arrivait sur le plateau, mais très froide et qui nous faisait très peur à tous, qui était son épouse, Cécilia. Cécilia Martin à l'époque. Cécilia comment? Ah oui, Martin. Martin à l'époque. Cécilia Sarkozy ensuite. Et Cécilia Attias. Et donc quand elle arrivait, on avait tous très peur parce qu'elle était très froide et puis elle trouvait tout affreux et nul. Et donc j'ai pas appris grand chose, non, c'était pas très agréable. Après, en revanche, je l'ai découvert vraiment et j'ai trouvé que c'était un personnage super attachant, Jacques Martin, avec beaucoup d'aspects qu'on connaissait pas. Il avait été adopté dans une famille juive de Strasbourg, il s'était converti, je crois, même au judaïsme à un moment. Enfin, c'était vraiment quelqu'un de très attachant. Et quand j'ai commencé à comprendre un peu qui il était, mais au début on était tous terrorisés, on était tous très jeunes et tout ce qu'on faisait était toujours nul à ses yeux. Voilà. Vous restez une saison donc auprès de Jacques Martin. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Après cette saison auprès de Jacques Martin, je suis allée à Canal+. Pareil, à l'époque, c'était assez génial parce que les gens m'appelaient à chaque fois. C'est-à-dire que c'était « tu veux le faire ?» Oui, hop, je me suis retrouvée à la télé. Ensuite, Jacques Martin, j'ai été sollicitée par sa productrice qui m'avait repérée, je sais pas comment, sur d'autres choses que j'avais faites. Et puis, ça a été pareil à Canal+, où la productrice de l'émission de Michel Denisot, qui s'appelait « Demain », l'émission, qui était à l'heure du déjeuner. À l'époque, il y avait « Nulle part ailleurs » le soir. Et puis demain, à l'heure du déjeuner. Et donc, elle m'a contactée. J'ai fait des reportages pour cette émission, tout en les présentant à l'antenne. C'est là que j'ai été plus présente à l'antenne. Et c'est là aussi qu'est arrivé un jeune garçon à qui j'ai fait faire le tour du couloir en lui disant, voilà, tu vois, là, c'est le montage, là, c'est le bureau, là, c'est la rédaction, là, c'est le studio, et qui s'appelait Jean-Luc Delarue. Et qui est arrivé dans l'émission et qui après a tellement été bon qu'on lui a donné les rênes et qu'il a fait la grande famille qui a succédé à cette émission. Et vous restez combien de temps donc dans cette émission demain sur Canal+? Je crois que j'ai passé 2 saisons dans cette émission, 2 ans. Et puis j'ai été appelée à ce moment-là à Antenne 2 pour faire un prime que j'ai produit d'ailleurs. Enfin ça c'était un projet que j'avais proposé qui s'appelait Face Cachée, qui était un divertissement en première partie de soirée. C'était complètement inouï qu'il laisse... J'avais 28 ans, il n'y avait pas du tout de jeunes, il n'y avait pas de femmes en prime. Quelques années plus tard, Pascale Brugnaud, qui est productrice à la télévision, m'avait proposé un projet qu'elle devait faire en prime. Et Étienne Moujotte, qui était le patron de TF1, lui avait dit « Non mais une femme à 20h30, mais vous n'y pensez pas ?» Donc c'était quand même très précurseur. Voilà. Merci. Alors justement, vous commencez à gérer votre image à ce moment-là. Il va falloir que vous gériez face à la caméra. Alors, tant que je suis chroniqueuse à Canal+, et tout ça, ben, j'y pense pas trop non plus, parce que j'y vais toujours pour présenter quelque chose que j'ai fabriqué, qui est un reportage. Donc à chaque fois, je suis là en train de dire « Voilà, il se passe ça, ça et ça », et puis on voit le reportage. Et quand je fais ce premier 20h30, au moment où ça a été... Je les ai tournés, il y en avait plusieurs, je les ai tournés les uns après les autres, et puis après seulement ça a été diffusé. Et quand il y a eu la première diffusion, tout le monde ne me parlait que de mes vêtements. Et là, ça m'a fait un choc parce que ça faisait 7 ans que je faisais vraiment que du reportage, que j'étais derrière, que je faisais des montages, que cette émission-là, je l'avais vraiment travaillée, chaque chose. Pareil, il y avait des sujets, je les avais montés moi-même, les invités, c'était moi qui avais tout préparé, etc. Et là, on me disait, ouais, la robe, elle est bien, mais la boucle d'oreille, je suis pas sûre, le truc. Et les gens ne me parlaient que de ça. Et là, ça m'avait fait vraiment un premier choc. C'est là que je me suis dit, mais c'est quoi le problème? Et après, en y réfléchissant, je me suis dit, il faut comprendre ça. C'est-à-dire, il faut comprendre qu'il ne faut rien dans l'apparence physique qui fasse qu'on s'y arrête trop pour que les gens puissent passer à autre chose. Il faut se fondre dans le décor, complètement. Pas se fondre dans le décor, mais peut-être... par exemple, il faut faire consensus. C'est-à-dire que maintenant, très souvent, quand je m'habille pour la télé ou des choses comme ça, je demande à 15 personnes, s'il y en a une à qui ça ne plaît pas, bah, je ne prends pas ça. C'est-à-dire que comme ça, au moins après, on fout la paix. On ne se dit pas, tiens, ça, la boucle d'oreille, le truc, comment elle est habillée, ça c'est trop court, ça c'est trop long. Je suis tranquille avec ça et on peut passer au contenu. Et en fait, c'est ça qui est génial à la radio. C'est qu'on est au contenu tout de suite. Voilà, voilà, c'est ça, parce que, enfin, c'est vrai que quand si vous me parlez d'une tenue, on parle que des tenues aux femmes, quoi. On en fait, on fait jamais je ce type que, de réflexion aux bien hommes. Sûr. Bah oui, bien sûr. Donc, bon, il y a encore du chemin c'est à parcourir. C'est pareil avec les femmes politiques. Bon, ça change un peu maintenant, quand même. Oui, on espère un petit peu. Et peut-être un peu plus vite. Alors, effectivement, vous êtes passé par toutes les chaînes. Alors, comme vous le disiez, c'était très facile, peut-être à l'époque, effectivement, de passer d'une chaîne à une autre. Vous passiez de TF1, France 2, enfin, Antenne 2 à l'époque, Canal+. Vous êtes revenu à Antenne 2. Comment vous arrivez à jongler entre les chaînes? On vous appelle donc à chaque fois? J'étais pigiste à chaque fois, hein, donc on m'appelait effectivement pour une production. J'étais pas liée à une chaîne. J'ai été vraiment liée à une chaîne, c'est en 1994 quand je suis arrivée à LCI. C'était les débuts, donc juin 1994, TF1 lance cette première chaîne d'information en continu. Tout le monde pense que c'est une folie, que ça marchera jamais, que de toute façon ça n'intéresse personne d'avoir une chaîne d'info en continu, que personne ne dérogera aux 20h, que c'est tellement important de ce rendez-vous de 20h, etc. Et personne n'y croit. Et moi, à ce moment-là, je suis un peu écartée d'Antenne 2. Où j'avais présenté le journal de 13h. Enfin, j'avais présenté d'abord Jeux sans frontières avec Georges Belair. Et puis ensuite, on m'avait proposé le 13h, ce qui était quand même un peu incongru. Et ça n'avait pas plu du tout à la rédaction de Antenne 2, donc à l'époque, qui trouvait que j'étais devenue une animatrice. Même s'ils savaient très bien, j'en connaissais la plupart, et ils savaient très bien que j'avais fait du reportage depuis 10 ans et que je ne faisais que ça, etc. Mais vous étiez passée au divertissement. Passée un peu au divertissement. Ils considéraient que c'était pas bien pour leur journal, etc. Enfin, toujours est-il que j'ai présenté quand même le journal de 13h et le journal de Télématin pendant à peu près 6-7 mois. Et Jean-Pierre Elkabbach est arrivé et il a considéré que ça suffisait. Et voilà, je me suis retrouvée sans travail, j'avais un petit bébé. Et donc, on m'a proposé ça à LCI et je trouvais ça vraiment intéressant de prendre le pari de la chaîne info aussi. Et puis, ce qui était vraiment passionnant, c'était la liberté totale qu'on pouvait avoir et le temps d'antenne. C'est-à-dire que j'avais, moi, 2 heures tous les jours, 5 jours par semaine pour parler de culture. C'était inouï. Et pour parler de culture sans aucune pression, puisqu'au début, il devait y avoir, je ne sais pas, 40 000 téléspectateurs. J'en faisais partie, Daniela Lombroso, les débuts. Là, oui. Les débuts, mais c'était révolutionnaire, c'est vrai, une chaîne d'info continue. Il y avait les États-Unis, hein, Bloomberg, etc. Ouais. Et quand ça arrivait en France, moi j'étais devant. Oui, on passait 2 heures devant, malheureusement aussi comme maintenant. On passait 2 heures devant, puis on était hallucinés, quoi. C'était extraordinaire. Et alors, comme il n'y avait pas énormément d'argent, la stratégie qui avait été adoptée, que je trouvais très intelligente d'ailleurs, c'était de consacrer l'ensemble du budget quasiment aux news, à l'information vraiment que les gens venaient chercher sur une chaîne info. Et puis, le reste du temps, sans argent, on faisait du talk show, c'est-à-dire qu'on était dans un studio qui était ultra rentabilisé. Et on avait 4 grands talk shows qui étaient animés le premier le matin par Yves Calvi, qui était un peu sociétal. Ensuite, il y avait Pierre-Luc Séguillon qui faisait de la politique. Ensuite, il y avait Guillaume Durand qui faisait de l'actualité. Et puis, il y avait moi qui faisais de la culture. On était à nous quatre, avec nos multidiffusions, on faisait toute l'antenne de LCI en ça. Dehors des vrais flash infos. Et c'était extraordinaire d'avoir 2 heures tous les jours, de pouvoir parler de culture. J'avais aucune... On me donnait aucune ligne directive, c'est-à-dire que je pouvais... On vous faisait confiance. Voilà, je pouvais parler d'art contemporain, je pouvais parler de ballet, d'opéra, je pouvais parler de variété, je pouvais parler de livres, enfin voilà, il n'y avait aucune... Et c'était génial. Et petit à petit, cette émission qui s'appelait La Culture aussi, à commencer à être vraiment, vraiment regardée et à devenir incontournable. Donc, les acteurs de la culture tenaient à faire cette émission. Et parfois, alors c'était assez drôle parce qu'il y avait Patrick Poivre d'Arvor qui faisait le 20h sur TF1. Et quand il devait choisir entre les deux émissions, il choisissait de venir à LCI, les gens. Et donc, ça le rendait fou et il ne comprenait pas. Et en fait, je pense que c'est parce qu'ils avaient du temps et que ça, c'était assez génial. Ils avaient vraiment le temps de s'exprimer. Puis, il y avait des rencontres assez extraordinaires qui ont eu lieu. Entre différentes personnes. C'était un beau moment et j'ai fait ça pendant 7 ans. Alors, c'est le moment de la seconde pause musicale. Oui. Alors, qu'avez-vous choisi, Daniela Lombroso? C'est le nouveau single de Christophe Maé que j'ai écouté il n'y a pas très longtemps, qui vient de sortir, et j'ai trouvé que il se renouvelait. Bon, d'abord, vous savez, j'aime beaucoup la chanson française, ça me paraît important de soutenir la chanson française, et je trouve que Christophe Maé, en 10 ans maintenant, est devenu un artiste majeur de la chanson française. On parlait de Cabrel, de Renaud, de gens comme ça. Ben, aujourd'hui, c'est lui dans cette génération-là, donc je trouve que ce single est très réussi. Alors, Christophe Maé, il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai. J'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux. Mais y a tous ces soirs sans pote, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. Il est où le bonheur? Il est là, je vous le confirme, avec Daniela Lombroso dans La Mécanique des Ondes. Ce titre de Christophe Maé, c'est son deuxième choix musical. On s'était arrêté juste avant la pause musicale à LCI, une chaîne à laquelle sur laquelle vous restez 7 ans quand même, avec effectivement votre émission culturelle. De 1994 à 2001, oui. Et ouais. À 2001, je suis partie sur France 2 pour faire un talk show qui s'appelait Il y a un début à tout, en deuxième partie de soirée, qui a marché très bien pendant 2 ans. Et puis les coulisses du pouvoir, un autre talk show et des variétés. Enfin bon, bref, après on connaît. Mais LCI, je suis partie parce que LCI n'avait pas fait le choix de la TNT à l'époque et que j'avais compris que la TNT c'était l'avenir et je comprenais vraiment pas pourquoi LCI ne souhaitait pas être en TNT gratuite. Et effectivement, ça a été terrible parce que pendant 15 ans, plus personne n'a regardé LCI. Aujourd'hui, LCI revient. On est sur la TNT. Vous pensez qu'ils vont vous rappeler peut-être alors? Ah bah peut-être, je serais ravie qu'ils m'en rappellent. Et oui, 15 ans après, donc LCI, à la rentrée prochaine, à la rentrée 2016, viendra tout court sur la TNT. Alors effectivement, vous repassez sur France 2 jusqu'en 2004 où vous mettez en route votre société de production qui s'appelle donc DGL Prod. Alors, j'aimerais savoir pourquoi. Vous aviez tellement de projets qu'il fallait... En télé, on fait beaucoup de projets et c'est très difficile de les sortir du congélateur et de les vendre. Donc, je trouvais que DGL, c'était pas mal. Et puis, ce sont aussi les initiales de mon associé et de moi-même. Donc, on a mis comme ça un peu les lettres dans tous les sens et on a trouvé DGL. Pourquoi pas DGL Prod. Et alors, vous proposez combien de projets par an? Beaucoup et à beaucoup de chaînes en fait. On en propose énormément dans de nombreux domaines. Alors ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en 2004, on a commencé avec des variétés qui ont très très bien marché. On en a fait pendant 10 ans, qui ont été des gros cartons. On est devenu très spécialisé dans les grosses émissions, les gros barnums en fait, les grands trucs événementiels avec des gros risque de production quand même qu'on a toujours assuré. Et du coup, on n'a pas développé d'autres parties. Et c'est un petit peu ce que je regrette aujourd'hui parce que finalement, moi, j'ai démarré vraiment avec du magazine, avec du reportage, avec du documentaire. Et aujourd'hui, c'est difficile d'arriver en disant on va vous proposer des documentaires ou des magazines parce qu'on a fait pendant 10 ans des émissions qui ont eu un succès énorme et qui n'étaient pas dans ce domaine-là. Donc, mais on propose toujours, on continue, il ne faut pas se décourager, il faut proposer. Alors, je vois que vous faites de la télévision, vous avez quand même fait vos débuts en radio. Pourquoi ne pas proposer des projets radio avec votre société de production ? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment possible de proposer des projets radio avec une société de production. En tout cas, là où je travaille, qui est France Bleu, qui est une radio que j'aime beaucoup, c'est totalement impossible, parce que c'est le service public et on ne peut pas du tout arriver avec une production privée. Donc, je fais partie désormais de cette équipe-là de France Bleu et j'en suis ravie. Mais je n'ai pas pensé à proposer autre chose en radio avec cette société de production. Ça me paraît plus compliqué. Alors justement, France Bleu Midi Ensemble, vous y arrivez le 6 janvier 2014, 10 ans après la naissance de votre société de production. Alors pourquoi revenir ? C'est amusant, vous me faites remarquer parce que j'ai commencé la radio à France Inter en 84. Le chiffre 4, ouais, vous porte ma société de production en 2004 et là vous me dites 2014, j'avais pas réalisé. Donc, et 94 LCI, mais oui, c'est fou. Donc voilà, on découvre des choses dans cette émission. Voilà, grâce à vous, je découvre que le chiffre 4, il va falloir que j'attende 2024 maintenant. On peut faire les doubles peut-être, hein, ouais, sur les 8, ça, les 2018. 8. Absolument. Et donc je suis arrivée à France Bleu parce qu'on me l'a demandé. C'est Claude Perrier qui était le directeur de la station à l'époque qui est venu me chercher. Et j'étais ravie parce que c'était le moment où Shabada s'est arrêté, l'émission que je faisais qui était une hebdomadaire sur France 3. Et c'était agréable de renouer avec la quotidienne, le fait d'être présent chaque jour, de devoir... voilà, c'est un rythme qui est assez excitant finalement. Et puis de retrouver ce que j'avais à LCI à l'époque, c'est-à-dire la rencontre avec les personnalités qui font la culture. Alors, j'ai moins de liberté à France Bleu parce qu'il y a une volonté éditoriale de toucher le public de France Bleu. Donc, je peux difficilement parler d'art contemporain ou de danse ou d'opéra, etc. Mais c'est quand même passionnant et on peut aborder des tas de sujets qui sont vraiment très intéressants. Alors, comment ça se fait que vous êtes arrivé en plein milieu de saison ? Parce que janvier, normalement, c'est pas le moment, ouais, où on arrive dans une grille radio. Je pense que c'est lié au fait que la personne qui m'a fait venir était arrivée, je pense, en septembre. Et donc le temps qu'elle mette au point ce qu'elle voulait faire, voilà, c'est à ce moment-là qu'on me l'a proposé. Alors au bout de 2 ans justement, comment vous vous sentez au sein de cette émission ? Vous avez envie de continuer ? Ah oui, j'adore, c'est un vrai plaisir. D'abord, France Bleu c'est une station, c'est en fait 44 stations qui sont en réseau. L'émission que je fais, elle est diffusée sur les 44 stations. Et c'est une relation aux Français qui est différente parce que ce sont des radios régionales, locales, dans lesquelles les gens ont une confiance assez importante. La durée d'écoute, par exemple, notre durée d'écoute est très longue. Les gens écoutent France Bleu pendant 2h30 d'affilée, ce qui n'existe pas sur les autres stations généralistes. Et ils nous font confiance, ce qui fait que quand je parle d'un film ou quand je parle d'un livre, en général, c'est très prescripteur et les gens ont une écoute très attentive, je trouve, plus attentive qu'ailleurs. Et puis, on fait des déplacements sur le terrain régulièrement. Et là, c'est vraiment très intéressant parce que je rencontre des gens qui sont habitués à avoir une relation de proximité avec leur radio, en fait, et donc qui se sentent très proches de nous. Et c'est vraiment agréable. Alors, la question de l'invitée précédente, c'était Aude Dassonville, journaliste à Télérama. Est-ce que le monde de la radio est moins impitoyable que celui de la télévision ? Oui. Waouh, c'est sorti. C'est sorti comme ça. D'accord. Ouais. Le monde de la radio n'est pas très impitoyable. Au contraire, je trouve qu'il est assez convivial, assez chaleureux. C'est vraiment un beau média. La télévision, les animateurs sont très sympas. Vraiment, il n'y a jamais eu de rivalité. J'ai beaucoup d'amis animateurs de télé, par exemple. En revanche, ce qui devient extrêmement violent, c'est quand vous passez à la production. Et là, c'est terrible. c'est intéressant. Terrible. Et pourtant, vous êtes moins exposé publiquement, puisque vous n'êtes pas effectivement devant la caméra, vous êtes plutôt derrière, mais à la préparation, justement, c'est encore plus impitoyable. En fait, c'est-à-dire que dès qu'on fait de la production, on touche à des enjeux financiers, et donc c'est beaucoup plus compliqué. Et les gens voilà, essayent d'avoir des parts de gâteau de plus en plus importantes. Il y a beaucoup de groupes. Il n'y a quasiment plus de producteurs indépendants comme moi. Moi, j'ai une toute petite société de production. C'est très artisanal. Je fais des émissions parce que j'ai envie de les faire. À chaque fois, je m'investis énormément. Alors que je suis face à des grands groupes internationaux aujourd'hui, qui ont des formats internationaux, etc. Et donc, c'est beaucoup plus difficile. Alors, c'est parti pour le questionnaire rapide, Daniela Lombroso. Alors, une femme de radio qui pourrait être votre modèle? Anne Sinclair. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? France Inter, que ma maman écoutait quand j'étais petite. Quelle radio vous réveille le matin? Je vais dire France Bleu. Quelle radio vous endort le soir? J'adore m'endormir avec la radio, mais je ne peux plus le faire parce que mon mari regarde la télévision le soir au lit et ça m'endort. Un endroit où vous écoutez... Mais sinon, j'aime bien les émissions de témoignages le soir pour m'endormir. J'aime bien entendre les gens qui parlent. Les libres antennes. Ouais. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? J'écoute alors beaucoup maintenant les podcasts, je trouve ça absolument génial, sur mon téléphone, en marchant, parce que je promène mon chien, je marche pendant des heures, et j'écoute plein de podcasts que j'ai pas eu le temps d'écouter, et que j'écoute à la suite, c'est ça qui est assez génial. C'est-à-dire, par exemple, j'écoute Un monde d'idées sur France Info, c'est une petite rubrique un peu courte, moi j'en écoute 15 à la suite, ou j'écoute Science, je crois que ça s'appelle Science Exacte sur France Culture, qui est une émission scientifique, mais très grand public, que je trouve extraordinaire, voilà, enfin... En podcast. Alors, un endroit où vous ne l'écoutez jamais? J'écoute pas la radio beaucoup chez moi. J'écoute beaucoup la radio en voiture ou en déplacement. Votre meilleur souvenir de radio, s'il n'y en a qu'un seul à retenir? Mon meilleur souvenir de radio, je dirais peut-être le premier, la première fois qu'un message publicitaire que j'avais écrit est passé sur les ondes d'RTL. Le pire souvenir? Le pire souvenir, j'ai envie de dire, là, il y a 15 jours, je me suis retrouvée à l'antenne de France Bleu complètement à faune. Et c'était épouvantable. Vous vous êtes dopée avant, vous avez pris du thé, du miel. Ouais, j'ai même eu des piqûres de cortisone, etc. Mais rien n'y a fait. Et c'est atroce parce que vous êtes là, vous voulez parler, il n'y a pas un son qui sort de votre voix. Et en plus, le son qui sort est affreux. Donc on se dit, les pauvres, les gens qui m'écoutent en ce moment, ils doivent souffrir. Donc c'est très, très pénible. Et ça ne vous était jamais arrivé avant? Non, jamais. Et en fait, je n'ai jamais été malade à un moment où j'avais des émissions à faire. Et quand vous faites une émission quotidienne, par exemple, vous tombez jamais malade, ou alors le week-end. Ça m'était jamais arrivé, vraiment, en 25 ans de carrière, jamais. Et pour finir, un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio? Quelqu'un qui veut faire de la radio, je lui conseillerais avant tout d'être lui-même, de ne pas essayer de rentrer dans un moule, de ne pas essayer de copier quelqu'un, d'avoir de l'audace, de faire des propositions et d'y aller. C'est vachement difficile de ne pas rentrer dans un moule aujourd'hui. Il faut proposer des choses originales, etc. C'est pas facile quand même. C'est pas facile, mais en même temps, si c'était facile, ça se saurait. C'est sûr. En tout cas, merci beaucoup, Daniela Lombroso, pour cette, pour nous avoir, voilà, raconté votre carrière radio, télé. Maintenant, effectivement, les animateurs, tout est mêlé. On est multi-support. Alors, je pense que vous ne dérogez pas à la règle. Surtout, on voit beaucoup d'animateurs qui vont au théâtre maintenant, hein, qui font du théâtre, donc qui sont sur les planches. Vous savez quelle est la prochaine étape. Merci beaucoup. En tout cas, tous les épisodes sont à réécouter sur le www.lamecaniquedesondes.com. On va se retrouver tout de suite sur Facebook et sur Twitter. À bientôt. Merci.